Temple, à la salle Georges Dalle de Tourcoing, mais aussi sur la Grand Place. Établissements scolaires, associations et bénévoles viendront spontanément proposer leurs services et savoir-faire. Des animations et défis vous y attendent tout au long du week-end. Plus d'infos 03 20 26 72 38 ou sur téléthon.fr. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Radio Galaxy 95.3. Galaxy, tu t'en souviens? Écoute, écoute. Galaxy, Galaxy, ça prend la tête, ça prend la tête. Galaxy, c'est plus fort que ta tête. Bonsoir la planète, réveillez-vous, déchaînez-vous, tous les jours c'est la fête avec Galaxy. Galaxy, we start on, we start on. Tu veux payer avec le répondeur? Qu'est-ce que t'attends? Appelle maintenant 08 70 245 603. 08 70 245 603. Galaxy, joyeux Galaxy. Galaxy. KLH sur Galaxy. DJ Michael H sur Galaxy. Galaxy to the paradise. We'll be right back. LH sur Galaxy. We'll be right back. sur Galaxy. Galaxy. Yeah. chez Michael H sur Galaxy. Michael H. LH sur Galaxy. We'll be right back. chez Michael H sur Galaxy. Michael H sur Galaxy. Michael H. We'll be right back. DJ Michael H sur Galaxy. Salvador, la montagne, l'enfant et la mangue, mardi 5 décembre, 18h30, au centre socio-éducatif de Waterloo. 20 souvenirs de moments ordinaires.